Le quotidien Le Don Simon en date du 6 courant a présenté l'éditorial titré « Les membres de l'Organisation des enfants de Corée sont les futurs maîtres de la Corée » à l'occasion du 70e anniversaire de l'Organisation des enfants. Il dit notamment « L'Organisation des enfants de Corée a été fondée et appartient au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Grâce au maréchal Kim Jong-un, le nouveau centenaire de Juche marque un jalon dans le développement de l'Organisation des enfants. » Infiniment prometteur est l'avenir des enfants coréens qui condisent en maître fiable de la puissance socialiste Juche sous la direction du maréchal.